Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et comme à tous les vendredis, eh bien on plonge dans l'univers du 9e art, dans l'univers de la bande dessinée. Plusieurs sujets, j'ai presque envie de dire un peu aux antipodes à certains égards, donc qu'on va aborder aujourd'hui. En deuxième moitié d'émission, en fait, ce sera une nouvelle tradition. Sporadiquement, on offrira une carte blanche à un des membres de notre équipe de collaborateurs. Donc, ils sont 5 ou 6 à graviter cette année autour de l'émission et à mes côtés. Et l'idée est de leur offrir un moment, un temps pour parler du sujet qui les interpelle, de ce qu'ils ont envie de vous partager. Et donc, pour inaugurer cette série de cartes blanches, cette semaine, c'est Marco Duchesne qui sera avec nous, donc libraire de son état, qui avait envie de profiter de l'occasion pour revenir sur le personnage de Batman, personnage emblématique s'il en est un, et qui fête cette année son 80e anniversaire. Alors, Marco avait envie de porter un regard sur ce personnage-là et peut-être même un petit côté un peu psychanalytique qu'on va vous offrir, donc autour de moments choisis dans l'évolution de ce personnage. Alors, j'en dis pas plus. Marco sera avec nous un peu après 18h, donc pour nous partager tout ça. Et sinon, en première moitié d'émission, en fait, dans quelques instants, on va plonger dans l'univers de Boot Black, donc premier tome d'une série qui nous est offerte par Michael. Ça nous amène dans le New York des années 30-40. Ça fait suite à Giant en termes d'ambiance, d'univers, d'environnement, mais ça nous amène dans d'autres histoires. Il faut dire que New York est une ville qui, de toute évidence, en foisonne de ces histoires. Et on avait très envie d'en jaser avec vous, mais surtout avec son auteur, Michael, qui est au bout du fil avec nous. Michael, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je disais, c'est un peu dans la suite de Giant, cette nouvelle bande dessinée Boot Black. Donc, tu restes à New York autour des années 1930-1940, mais tu nous amènes dans un autre univers, et j'aurais envie de dire aussi dans une autre perspective, puisque du haut des gratte-ciels, on se transporte maintenant au niveau des rues. Oui, l'idée, c'est de faire plusieurs histoires où en fait des histoires en diptyque à chaque fois, donc une histoire complète en 2 tomes, et en fait le personnage principal qui lit toutes ces histoires, Giant, Boot Black et les histoires à venir, est en fait le personnage, la ville de New York, qui est un personnage à part entière. Et effectivement, dans Giant, on côtoyait les sommets en haut des gratte-ciels à plusieurs centaines de mètres. Et là, avec Boot Black, eh bien, c'est complètement l'inverse. Là, on suit un groupe de les Boot Black, ce sont les scieurs de chaussures. C'est un autre nom que l'on donne aux scieurs de chaussures. Et là, on est vraiment sur le trottoir en suivant ce groupe de jeunes Boot Black qui doivent cirer les chaussures pour gagner leur vie et qui sont vraiment au niveau de la hiérarchie de la société, au plus bas de l'échelle sociale. Et c'est intéressant parce qu'au niveau visuel, pour ceux qui ont eu le plaisir de lire Giant, il y avait des moments où on sentait, on était dans une logique vertigineuse, dans un regard souvent très très très haut sur New York. Et dans ce cas-ci, tu nous amènes vraiment, et quand on parle de dans les rues, on sent un peu le côté peut-être un peu étouffant de la ville, donc la notion des classes sociales aussi, du haut vers le bas, donc on joue un peu dans une autre atmosphère et dans un, je le redis, mais un changement de perspective, là. Oui, j'ai privilégié les plans où je pose mon point de vue à même le sol. J'ai beaucoup de plans comme ça, très horizontaux, caméra posée au sol, et puis aussi d'autres plans verticaux, mais où en fait les personnages sont montrés comme au fond d'un ravin, le ravin constitué des buildings, où ils n'aperçoivent le sommet des grandes tours qui représentent l'ascension sociale, qui n'aperçoivent ces grandes tours que par un petit coin de ciel entre deux buildings, et on est souvent avec eux dans les ruelles, dans les parties sombres de la ville, les parties très crasseuses, dans le quartier populaire. Et puis par rapport à Giant, j'ai situé aussi au niveau de Manhattan, vraiment au niveau du marché aux poissons de Fulton, le Fulton Market, donc sous le pont de Brooklyn, pour bien montrer aussi le côté portuaire de New York à cette époque-là. Oui, puis ça fait écho parce que, en fait, le personnage central de ce récit, le Boot Black, conçu particulièrement, c'est Al Chrysler, donc un fils d'immigrant allemand, et qui va se retrouver aussi en cours de récit de l'autre côté de l'Atlantique, donc en Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est dans deux côtés de l'océan et des tranchées, entre guillemets, new-yorkaises de ces rivières étroites. On se retrouve littéralement dans des tranchées aussi des champs de bataille européens. Oui, comme dans Giant, où l'un des sujets, c'est l'immigration, c'est on suit des groupes d'immigrants. Donc dans Giant, on avait des parties d'histoire qui se passaient en Irlande, donc un côté très rural, presque bucolique, et qui s'opposait aux rues de béton et froid de New York. Et là, c'est un petit peu la même chose. Mon personnage est en 45 sur le front pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc un univers très crasseux, très beaucoup de boue, du brouillard. Et puis il se remémore son passé, comment il en est venu à faire le boot black, faire le sieur de chaussures, puis après petit à petit à devoir s'engager dans l'armée et se retrouver là finalement sur le front. Et en fait l'histoire principale à New York est racontée en flashback. Et oui, je fais des allers-retours comme ça, un petit peu dans le tome 1, mais il y en aura encore plus dans le tome 2, entre l'Europe du front de la Deuxième Guerre mondiale. Dans sa dernière partie, hein, on va être sur le front allemand, la dernière marche sur Berlin, au printemps 45, et puis par rapport au New York, très, très, très urbain en fait. Hein. Et c'est intéressant parce qu'un peu comme dans Giant, tu l'as dit tantôt, Michael, on abordait un peu la question de l'immigration, la question de l'identité. C'est donc, on comprend bien une thématique aussi qui est importante à l'intérieur de Boot Black. Le personnage principal, donc, est d'origine allemande au départ, mais est venu ici très jeune ou est né ici. Éventuellement, dans le fond, il s'approprie véritablement son identité américaine. Il essaie de cacher aussi son origine allemande à un moment donné. Il va se retrouver sur le front à lutter contre les Allemands. Donc, il y a une belle réflexion autour de la question de l'identité et tu t'es donné pour le faire un personnage qui est empli de paradoxes aussi. Oui, ben, le but, c'était ça, en fait. C'était de faire retourner sur ces terres de ses ancêtres un immigrant américain. Donc, un immigrant issu de parents allemands, né en sol américain, donc immigrant de première génération. Mais de le ramener sur la terre de ses ancêtres en Allemagne et de le confronter à ça, alors que lui, qui depuis qu'il s'est retrouvé à la rue, a rejeté ses origines allemandes. Et effectivement, tout tourne autour de l'identité. Tous mes personnages, le personnage principal, mais aussi tous les personnages secondaires, changent leur nom, utilisent des surnoms, ou ne veulent pas être celui qui sont. Les natifs voudraient être immigrants, les immigrants voudraient être natifs. Enfin, tout tourne autour de cette quête d'identité. Et mon personnage le dit dès la deuxième page, qui je suis vraiment. Et c'est ce qu'il va devoir découvrir s'il veut avancer tout au long de l'histoire. Et des fois, ça devient aussi des situations où on place ces personnages-là en position très négative, même envers les immigrants affichés. Et c'est des situations qui ne sont pas anecdotiques non plus. En fait, on pense par exemple à Gangs of New York, où des immigrants irlandais se faisaient battre par des Américains d'origine irlandaise. Donc, c'est aussi cette espèce de tension sociale-là et les situations particulières que ça amène, que tu explores. Oui, c'est bien. Et puis en plus, c'est très... ça résonne au niveau contemporain. En regardant l'actualité de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, un président qui dénigre l'immigration alors que son grand-père lui-même était immigrant allemand. Donc, en tout temps comme ça, il y a une hiérarchie, une condescendance qui se crée entre les immigrants de première génération ou de ceux qui sont là depuis quelques générations et ceux qui viennent d'arriver. Le Québec, par exemple, n'est pas de nos jours, là, moi-même étant immigrant français, nombre de fois on nous a rappelé qu'on n'était pas des Québécois pur laine. Donc c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire que toujours rappeler à ceux qui viennent d'arriver qu'ils ne sont pas nés là, mais qu'en fait, à part les Amérindiens, tout le monde est issu de l'immigration depuis plus ou moins long terme. Oui, puis en fait, de voir aussi que d'une période à l'autre, d'une époque à l'autre, il y a toujours eu ce type de situation-là. Ça a toujours attisé ce type de tension-là, finalement. Donc, que les débats d'hier sont, comme tu le disais, les débats d'aujourd'hui. En fait, ça montre à la fois une constance, puis c'est à la fois un vrai malheureux aussi de réaliser ça. Oui, c'est ce que je veux. J'utilise en fait le prisme des années 30-40 pour raconter des histoires tout à fait contemporaines et pour parler de notre actualité aujourd'hui. Et ça montre qu'effectivement l'histoire se répète et c'est ce côté un petit peu pathétique justement quand on refait toujours les mêmes erreurs. Enfin, l'humanité refait toujours les mêmes erreurs. Et le fait d'utiliser comme ça ce contexte historique, ben, renforce encore plus ce côté-là de boucle sans fin et un, ça permet de parler de notre époque et deux, en plus, ça permet de montrer que l'histoire se répète malheureusement et pas toujours pour les bonnes raisons. Et tout ça dans le contexte d'un récit pour lequel j'ai l'impression, Michael, on y va, on vise l'historicité plutôt que la réalité historique. Donc, il y a des assises très fortes au niveau architectural, au niveau ambiance, au niveau événementiel. Mais évidemment, on est dans le contexte d'un récit fictif. Donc, une fois, comme lecteur, qu'on accepte et qu'on ressent toute cette historicité-là, eh bien, on suit aussi facilement dans les écarts que tu te permets au service de ton récit. Tout à fait, oui. C'est une fiction historique, c'est une histoire humaine au sein de la grande histoire, mais l'histoire humaine est ma priorité. Le destin que je veux présenter au lecteur, le thème et les sujets que je veux partager. Donc, une fois que je crée un univers vraisemblable, je peux me permettre effectivement de tordre la réalité historique, que ce soit pour du côté visuel, hein, au niveau des voitures qui sont pas forcément raccord au niveau de l'époque, mais il faut que ça soit vraisemblable en fait. Et puis même je prends certaines libertés sur les faits historiques que des fois on voit par exemple dans le tome 1 de Boot Black une manifestation nazie dans les rues de New York du parti nazi dans les rues de New York et mon histoire se passe en 35 et cette anecdote là enfin ce fait historique date de 36 donc voilà des fois je tords un petit peu la réalité historique parce que ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. C'est une histoire humaine, mais dans un contexte historique documenté et le plus vraisemblable possible pour embarquer le lecteur et pour lui créer surtout une atmosphère et pour que ce soit vraiment un voyage immersif dans les années 30-40. Oui, puis en fait, c'est un peu aussi parce qu'on en parlait d'entrée de jeu, par exemple, les éléments de mise en scène sur les cases, les choix historiques, les choix narratifs, tout est là au service du récit et au service de l'émotion qui est générée par le récit. C'est toujours un peu ce que je perçois comme une de tes grandes forces, c'est que il y a des artifices, évidemment, dans ce que tu proposes, mais tout est là, pas pour être un artifice, mais purement au service de ton récit. Oui, ben merci. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. C'est que chaque case sert le récit. Il y a rien qui ne soit gratuit en fait. Soit c'est des cases d'ambiance pour immerger le lecteur encore plus dans l'histoire. Soit c'est un détail qui prépare pour la scène suivante. Donc j'essaie d'avoir une histoire complètement organique. Donc c'est-à-dire que de créer des personnages qui agissent pour leur propre chef, en fait, que le lecteur ait l'impression que ce sont des personnages qui existent et qui font leur propre choix par rapport à leur vie, alors que derrière, il y a un auteur qui tire les ficelles, mais il ne faut pas que ça se voit. Et effectivement, pour ça, il faut que tout serve le récit, chaque case, chaque personnage, chaque action, du dialogue, pas de dialogue, enfin, tout est au service de l'histoire. Et autant, dans le fond, dans l'action qui est en avant-scène que dans les éléments qui sont en arrière-scène qui viennent ajouter justement l'environnement où on sent que l'histoire de Hall et de ceux de ses proches, c'est l'histoire que tu as choisi de raconter, mais tu aurais pu raconter, par exemple, l'histoire d'une famille d'immigrants italiens. On les voit en cours de route dans une séquence et à l'arrière, eux se font jeter de leur appartement. Donc, il y a différents éléments comme ça qui nous montrent, en fait, le New York plein d'histoires, dans le fond, que tu explores dans ces diptyques-là, finalement. Oui, c'est ça. Je pourrais partir sur 10-15 histoires à chaque fois en reprenant un personnage tertiaire ou secondaire d'une de mes histoires que j'ai déjà faites, parce que j'essaie de créer des situations vraisemblables pour montrer que ces gens existent et puis qu'ils ont ils ont une vie et que ça pousse la curiosité du lecteur à se dire j'aimerais en savoir plus. On me fait souvent la remarque en me demandant si je vais faire un album, par exemple, sur Dorothy, la photographe qui était dans Giant, parce qu'il l'a trouvé intéressant, alors que c'est un personnage tertiaire dans Giant, ou d'autres personnages comme ça. Et c'est ce que je fais un petit peu, parce que, par exemple, dans Boot Black, on retrouve des personnages de Giant, notamment Betty la Diva. Dans Giant, on voyait les deux Boots Black qui étaient Giant, ça se passait en 32, Boots Black en 35, donc ils avaient deux ans de moins. Dans le prochain diptyque, on va retrouver Bob, Robert Bishop, le journaliste qui est voisin de Giant. Donc tout ça, ce sont des destins qui se croisent, qui s'entrecroisent à Manhattan dans ces années-là. Et tout ça avec, en plus, donc au-delà de ce foisonnement-là, toujours un sens de la mise en scène dans le choix de l'organisation des cases, de l'organisation de la structure du récit, avec, j'ai l'impression, en fait, souvent je m'amuse à citer des pages comme ça que les auditeurs d'ailleurs peuvent retrouver en librairie, mais pour découvrir un peu cette richesse-là, ça foisonne dans ton album. Et entre autres, en début de page, par exemple, on a vraiment des séquences qui nous permettent de bien saisir que Hal se retrouve au bas de l'échelle, qui nous font ressentir aussi la solitude du personnage. Je pense à un moment donné, on le retrouve donc dans un dialogue assez où il se fait se mettre de côté par Maggie, donc son égérie potentielle. On le retrouve sur fond blanc, donc complètement isolé, et ensuite tranquillement, donc on le suit la ville, on plonge vers le haut. Donc on joue un peu avec des choix de narratif et des choix de structure pour mettre de l'avant, exemple, sa solitude, nous la faire ressentir, nous la faire comprendre, percevoir. C'est exactement ça, c'est toujours quelle émotion je veux faire passer. À chaque cas, c'est quelle idée, quelle émotion, je me pose toujours cette question, quelle émotion je veux faire passer. Donc après, j'ai tout un tas d'outils pour essayer de faire passer au mieux cette émotion. Et là, ça passe par la forme de la mise en scène dans la case, la forme de la case, l'absence ou de dialogue ou le dialogue, la couleur. La mise en scène, comment on va, les personnages vont être éclairés l'un par rapport à l'autre. Donc à chaque fois, c'est un choix à faire à chaque case et en prenant en compte aussi de la case précédente et de la case suivante, puisque la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse. Donc tout ce que on montre pas est beaucoup plus important que ce que l'on montre. Donc on doit choisir le bon moment à montrer pour que entre deux cases, le lecteur travaille un maximum et embarque le plus possible dans l'histoire, parce que c'est lui qui comble le manque dans ce petit interstice blanc qui sépare deux cases, en fait. Donc, est-ce que tu dirais, dans le fond, qu'en termes de travail, le gros de ce que l'album va être apparaît beaucoup au découpage, au storyboard? C'est là où l'album est créé. Alors, ensuite, le dessin, l'ancrage, la couleur, ça, c'est pour faire une analogie avec une maison, là, ça, c'est les finitions, c'est du papier peint joli, et c'est juste rendre ça beau et lisible. Et par contre, les fondations, c'est le découpage, c'est là où l'histoire, on prend le scénario et c'est là où on va créer les images et la mise en page pour construire au mieux son récit. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la bande dessinée. C'est pas la qualité du dessin, c'est surtout la qualité de la narration, c'est-à-dire ce qui se cache derrière le dessin. Et c'est la beauté de la chose, parce que quelqu'un, même si on dessine pas très bien, on peut faire des très bonnes dessinées. Il y a des très bons auteurs qui ont un dessin très naïf, mais qui ça fonctionne énormément parce qu'ils comprennent la narration en bande dessinée, ils comprennent la grammaire, le langage de la bande dessinée, et c'est ça qui est le plus important. Et j'imagine donc qu'à un moment donné, t'as ta BD sur le mur, essentiellement, tu vois un peu l'esprit, l'état des cases, des émotions, et à un moment donné, tu te dis, OK, cette case-là, cette page-là, cette planche-là, ça marche, ou à tel autre, non, faut la refaire. Donc c'est beaucoup à ce moment-là que se fait des allers-retours pour trouver la bonne mise en scène, la bonne manière d'apporter la narration, d'apporter l'émotion. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment au moment du découpage où j'essaye beaucoup de choses par rapport à... j'ai ma page, je sais ce qui doit se passer dans ma page. Donc c'est là que je vais déterminer l'architecture de la page par rapport à ce que je veux raconter. Okay, là où je veux mettre l'emphase, là où je veux pointer l'émotion. Donc je jouais aussi entre des zooms, entre deux cases. Par exemple, là, tu parlais tout à l'heure d'une case où on voit... On est comme au sommet d'une tour et puis on domine New York comme si on était un riche dans son penthouse tout en haut qui domine Manhattan. On voit un transatlantique au loin sur la mer, et tout de suite la case d'après, on est caméra au sol, un plan rapproché, juste une main qui prend, on est sur le trottoir, une main qui prend une brosse avec la caisse de Boots Black. Donc là, le contraste est énorme, et tout ça, ce sont des trucs très très intéressants et qui se crée au découpage, effectivement. Et Michael, quand tu arrives au découpage, est-ce que tu as déjà un peu choisi ta palette de couleurs aussi pour l'avoir en tête? Parce que, un peu comme dans Giant et un peu comme dans Promise avant, j'ai l'impression que tu donnes une palette de couleurs, je dirais pas limitée, mais où tu donnes un cadre, en fait, avec certains types de couleurs, des tonalités vertes, brunes, noires, sépia, avec certains éléments plus colorés, donc mais quelque chose d'assez défini. Donc, est-ce que c'est déterminé un peu à l'avance? Est-ce que ça vient un peu après? Ou est-ce que c'est un peu instinctif? Un petit peu tout ça, en fait. Avec Giant, j'ai mis en place mon vocabulaire, ma signature graphique, donc aussi bien au niveau de l'ancrage qu'au niveau de la couleur, pour toute cette série d'histoires sur le New York. Donc après, je m'y tiens pour c'est le même traitement de la ville de New York et donc des personnages qui y vivent. Donc je reprends un petit peu la même recette que dans Giant, c'est-à-dire que chaque scène a une dominante de couleur. Dans Giant, par exemple, tous les intérieurs dans l'appartement de Giant étaient verts. Je fais une nuit aussi avec une autre tonalité de vert. Il y a les fins de journée qui sont plutôt orangées, sépia. C'est certains moments de la journée plutôt brunes. Quand on est en Allemagne, dans Boot Black, par exemple, eh bien, on est plutôt dans du vert brun, kaki. Donc, la couleur, comme j'ai un ancrage qui est déjà très présent avec des grosses masses de noir, la couleur, elle vient là pour amener une émotion supplémentaire, et puis elle est aussi narrative pour aider à la compréhension de certains éléments de l'histoire. Mais donc, elle reste assez légère, effectivement, comme dans Promise ou Giant. Et en même temps, je dirais pas, c'est pas des couleurs non plus qui sont brillantes, qui ressortent. J'ai l'impression qu'on est plus aussi dans un certain respect de la coloration qu'on reçoit aujourd'hui de cette époque-là. Donc, puisqu'on parle de noir et blanc, on parle de sépia. Donc, on reste qu'avec des couleurs qui sont riches, mais qui sont un peu ternes aussi, d'une certaine façon. Oui, la couleur, c'est un outil narratif, hein, comme le dialogue, comme le style graphique. Donc, je m'en sers pour servir au mieux l'histoire. Et pour cette histoire qui se passe dans les années 30-40, où effectivement on a beaucoup, surtout, de photos sépia, noir et blanc, quelques photos colorées, mais avec des teintes un peu vieillies. Donc, j'ai voulu retrouver comme ça, un peu retranscrire cette atmosphère-là de l'époque, avec des couleurs très rabattues. Pas brillante du tout, effectivement, un petit peu sale comme ça, pour amener une touche supplémentaire d'ambiance et pour immerger encore plus le lecteur dans l'histoire. C'est la dernière touche d'immersion, en fait, dans mon processus de création. Et au cœur, évidemment, de tout ça, on revient à ces personnages, parce que tout ça est au service de l'histoire humaine, d'abord et avant tout, comme dans Giant, on est dans cette même logique. Et dans ce cas-ci, ben, ceux qu'on suit, c'est évidemment Al Chrysler, donc on en a parlé, c'est cet immigrant en plein paradoxe, avec sa bande aussi, donc il y a eu un petit casting de personnalités aussi pour animer les dialogues, définir un peu le groupe, voir un peu les rapports qu'il y avait entre eux. Donc ça aussi, ça vient apporter beaucoup à ton récit et à la dynamique de ton récit. Ben oui, j'essaie toujours chaque personnage, je lui écris déjà une biographie. Même les personnages secondaires, voire même les personnages tertiaires, je connais leur vie, moi, donc comme ça me permet de savoir comment ils vont réagir dans l'histoire. Et puis j'essaie vraiment de les diversifier au maximum, puisque on est tous différents dans la vraie vie. Et donc de leur donner une forme différente, une façon de s'habiller différente, façon de tenir son chapeau, porter sa casquette, son chapeau, tenir sa cigarette, pour que chaque personnage ait une vie intérieure. En plus d'une forme globale, il faut qu'il soit reconnaissable assez rapidement, il faut que la silhouette soit reconnaissable assez facilement. Ça, je tiens ça de toutes mes BD jeunesse que j'ai fait avant, en fait, pour que chaque personnage ait une forme assez caractéristique. On voit Diddle Joe, lui il a un grand manteau en triangle vert. Al, il a des pantalons trop grands. Shiny, lui, il a les jambes arquées, puis il a un pantalon tout fin avec une taille très très haute. Donc tout ça, c'est pour il y a le côté visuel, et puis aussi comment il bouge, comment ils portent, c'est ça, leur chapeau, leur casquette, pour leur donner une vie intérieure et que les lecteurs sentent que c'est un personnage réel, en fait. Et puis comme ça, toutes les décisions que prend mon personnage, on a l'impression que c'est lui qui les prend, parce que c'est un vrai personnage, alors que c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un auteur derrière qui tire les ficelles. Il ne faut pas que ça se voit. Oui, et c'est intéressant, en fait, l'élément distinctif que tu mentionnes sur les personnages, parce que je pense à une séquence à un moment donné qui est très chouette, très belle dans la dynamique de groupe, où on les retrouve sur le toit d'immeuble la nuit tombée, et justement on arrive à bien suivre, à distinguer par les personnalités, par le vêtement, et simplement en nombre comme ça, et ça te permet dans le fond de nous proposer des moments intimes avec une belle intensité, mais en ayant toujours cette clarté-là aussi, sans jamais perdre le lecteur finalement. Oui, merci. Quand on fait de la bande dessinée, il ne faut jamais perdre de vue deux choses. C'est intéresser le lecteur par l'histoire et surtout être lisible. Donc toujours garder une certaine lisibilité, pas perdre le lecteur dans le sens où il ne comprenne pas l'image. Il n'arrive pas à décoder l'image. Surtout que l'image, on a l'habitude de décoder ça depuis tout petit, lire une image. Donc le lecteur passe vraiment une seconde, un quart de seconde, parfois même, sur l'image, parce qu'il la décode très très vite. Et si jamais il la décode pas assez vite, c'est que là, le dessin est mal fait, il comprend pas ce qui se passe, et puis là, il peut décrocher. Et en bande dessinée, c'est difficile de garder son lecteur concentré, hein, parce qu'il n'est pas comme au cinéma, dans une salle obscure, où il est obligé de rester concentré sur le film, un grand écran. Là, souvent, il est chez lui, avec les notifications qui peuvent arriver de toutes parts. En fait, il faut vraiment trouver des moyens pour capter l'attention du lecteur le plus possible. Et tout ça, donc, au travers de thématiques qui sont amenées, on a parlé un peu des dynamiques sociales, on a parlé un peu de dynamiques d'immigration. Peut-être en terminant, j'aimerais qu'on glisse un mot aussi sur un autre personnage qui est au centre de cet album-là, qui est bien important, c'est celui de Maggie. Donc, où d'un côté, on peut explorer un peu les rôles, les perceptions, les réalités de la femme à l'époque, mais en parallèle aussi, et sans vouloir brûler de punch, mais des métiers artistiques et de comment ils étaient perçus aussi à l'époque. Oui, on l'a vu récemment au Québec avec le film La Bolduc, par exemple, qui montrait bien un petit peu que les femmes dans le show business, c'était par exemple les seules qui, quand elles étaient artistes, c'était les seules, par exemple, qui pouvaient avoir un compte en banque, parce que sinon une femme ne pouvait pas avoir un compte en banque, c'était son mari qui pouvait ouvrir un compte. Et puis oui, Maggie, elle veut devenir comédienne. Mais parce que elle a besoin surtout, non pas parce qu'elle rêve de paillettes, de strass et de Hollywood, elle veut devenir comédienne surtout parce ce qu'elle veut, c'est jouer la comédie, c'est jouer un autre personnage, changer de devenir quelqu'un d'autre en fait, à cause de ce qu'elle vit chez elle, sans dévoiler l'histoire. Donc c'est un moyen aussi comme ça de s'échapper, et puis ça permettait aussi, effectivement, pour les femmes, c'était une façon de s'émanciper. Je l'ai présenté aussi dans Giant avec Dorothy, les femmes photographes, ça permettait d'être autonome, de gagner sa propre, enfin, de gagner sa vie, et pas d'être obligé de se marier pour avoir de l'argent, de la paye de son mari, en fait. Et on retrouve tout ça, en fait, l'univers qu'on présente présentement, c'est celui de Boot Black, donc le premier tome qui est en librairie au Québec depuis quelques jours, quelques semaines. Le deuxième tome qui, lui, s'en vient dans quel horizon à peu près? Septembre 2020. Donc septembre 2020 pour tome 2. Et ensuite, tu poursuis de ton côté sur l'univers new-yorkais et tu vas nous amener du côté des communautés afro-américaines. C'est ça. On sera à Harlem en 1931, donc toujours une histoire en deux tomes. Alors, on va te suivre dans ce New York que tu nous proposes. Michael, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Alors, Michael, je le rappelle, auteur donc de cette bande dessinée Boot Black, c'est aux éditions d'Argo, c'est sorti tout récemment, donc début septembre. Et si vous avez aimé Giant, évidemment, vous allez pouvoir retomber avec plaisir dans cet univers. Si vous n'avez pas lu Giant ou Boot Black, faites-vous plaisir et faites-vous une faveur, jetez-y un coup d'œil, vous ne le regretterez pas. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL, c'est La Vie en BD qui se poursuit. écoutez, c'est La Vie en BD qui se poursuit sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Je vous rappelle également que les émissions sont disponibles en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et je le disais en ouverture d'émission, donc nouveau concept, nouvelle proposition qu'on vous fait cette année La Vie en BD, donc l'idée des cartes blanches, donc où on a un groupe de collaborateurs et des collaborateurs associés qu'on va convier sporadiquement, aléatoirement presque, à venir parler de ce qu'ils veulent. Et pour inaugurer tout ça, ben cette semaine, on a Marco Duchesne, notre libraire de chez Pantoute avec nous. Bonjour. Bonsoir. Es-tu ton premier pour vrai? T'es mon premier pour vrai. T'es toujours mon premier. et Michael, en fait, Marco, votre nom commence par la même lettre. Marco, je t'ai demandé, en fait, pour une carte blanche, je t'ai dit, tu peux me parler de ce que tu veux. Et tu m'as dit, c'est le 80e anniversaire de Batman. Ben oui, cette année, 80 ans pour ce héros. Né dans les années 30, fin des années 30. Et comme on approchait, effectivement, tu sais qu'il y a une journée, Batman, tous les ans. C'est au mois de septembre. Et cette année, ça tombe le 21 septembre. Tiens, en même temps que mon anniversaire à moi. Alors, c'est un bel hasard. Je me suis dit que pour cette première carte blanche, que j'irais avec Batman pour célébrer tout ça. Carte blanche, je me suis dit, est-ce que je embarque dans l'histoire? Mais non. J'avais envie de te parler de moments importants pour moi. En fait, c'est moi, face à ce héros. Depuis tout petit, un de mes premiers contacts a été une aventure avec Ra's al Ghul de Batman, et ça a toujours été mon héros préféré. De super-héros préférés. En fait, il y avait les Fantastic Four du côté Marvel et il y avait Batman. Et il faut dire, Batman, en fait, des fois, on a tendance à... J'ai l'impression qu'il y a le public de ceux qui lisent les comic books, les super-héros, puis il y a ceux qui ne les lisent pas parce que... et des fois, on échappe comme ça quand on a un recul un peu par rapport à ce genre BD-là. On perd des morceaux de bravoure et Batman, il y en a des morceaux de bravoure là-dedans. C'est 80 ans d'aventure qui a passé sous différentes plumes, autant de dessinateurs que de scénaristes, là. Et on parle de 80 années où la série, une fois par mois, sort un numéro sans arrêt. Et là, je te parle pas de toutes ces cartes blanches données à des auteurs qui, eux, ont écrit des histoires hors série, des histoires qui ont marqué. Oui, même qu'ils ont réinventé Batman, et quand des on fois pense qu'ils ont, Killing Joke, qu'ils par ont, exemple. Ouais, ou Batman Year One. Ce qu'en a fait Alan Moore, ce qu'en a fait Frank Miller et tout. Moi, j'avais le goût de... Évidemment, j'adore ce personnage. Et il y a quatre moments. J'avais envie de te parler de quatre moments qui, pour moi, que j'ai relu. Évidemment, en 80 ans, j'ai pas tout relu, mais... Puis t'as pas 80 ans. Et on va signer aussi au passage. Non, mais... Batman, de mon arrivée à Québec, il y a 30 ans, 31 ans maintenant, de mon arrivée, dès les premières semaines, je me suis trouvé un comic shop, et dès les premières semaines, je me suis abonné à Batman et à Détective Comic, et depuis 30 ans, une fois par mois, je ramasse mes Batman. Et je fais une parenthèse pour dire aussi que Marco s'est mis en mode là-dessus avec son t-shirt Détective Comics aussi. C'est ces moments-là qu'on regrette de ne pas avoir la webcam. Un jour peut-être. Alors ces moments-là, moi, les quatre moments, à force de relire un personnage ou de revoir un film, une série, on finit par transcender cette question-là, hein, pourquoi j'aime ça? On finit par la transcender, puis à force de relire et de connaître presque par cœur les répliques, dans le cas de Batman, les cases, les trucs, on finit par là accéder à une espèce de le personnage est comme ça, et élaborer des théories. Donc, ces quatre moments-là, j'ai essayé comme... Il m'est venu comme une théorie pour relier tout ça, qui fait en sorte... Mais on s'amuse. Un de ces premiers moments-là, c'est l'origine. Alors, les origines de Batman, c'est le premier... en fait, c'est le numéro 10, le numéro 41, je pense, de Detective Comics, où apparaît pour la première fois Batman en 1939. Alors, ce personnage est en fait un homme qui se costume en chauve-souris la nuit pour attraper des criminels. Dans ses premiers numéros-là, il va finir par avoir sa propre série, c'est-à-dire qu'il va passer de détective comique à la série Batman. Et dès lors, on va lui créer une origine. Comment est né Batman? Dans la première fois où on assiste à l'origine, les origines ont deux pages dans une aventure de Batman. Deux pages dans lesquelles on décrit ça comme ça, c'est-à-dire Bruce Wayne a 10 ans. À la fin de... avec ses parents, il sort voir le film Zorro, une des premières de Zorro. Il sort du cinéma et un voleur, un criminel, les attend dans une ruelle et le criminel, pour les voler, mais va abattre le père, Thomas Wayne. Et, contrairement à ce qu'on pense, la mère, Martha Wayne, va mourir d'une crise cardiaque. Ce que Nolan et toutes les autres qui ont repris les origines ont toujours fait en sorte. Mais à l'origine, la mère meurt d'une crise cardiaque, laissant dans la ruelle un enfant de 10 ans, Bruce Wayne. Cet enfant-là va grandir et va vouloir faire en sorte que ça n'arrive plus jamais à personne et va faire en sorte qu'il va se former. Il va aller à l'école, va se former, jeune adulte, il va apprendre tout sur la criminalistique, il va tout apprendre sur les arts martiaux, il va se former physiquement, mentalement, il va devenir l'un des plus grands détectives au monde. Et dans sa réflexion, comment affronter les criminels, il va se dire, les criminels font peur, mais il faut que je leur fasse peur. Donc, il va se chercher un symbole, il va se chercher une façon, et une chauve-souris va apparaître, et là, il va prendre l'idée, et il va se costumer en chauve-souris, il va devenir Batman. Ces origines-là. Mais, moi, le moment qui m'intéresse arrive plus tard, parce que ces deux pages-là, passent rapidement. Non. Mais à un moment donné, on donne un numéro complet aux origines. En 1949, dans le numéro 47 de Batman, on va y consacrer à ces origines-là beaucoup plus. On va y donner beaucoup plus d'importance. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, Batman, au début de l'aventure, va tomber sur un trafic de transport de criminels qui veut échapper à la justice, un transport clandestin inter-État. Batman met au jour ce trafic et découvre que Joe Chill, maintenant il a un nom, Joe Chill, qui est à la tête de ce trafic-là, est en fait l'assassin de ses parents. Donc là, il va se souvenir de ce moment-là. Et là, les deux pages vont prendre un peu plus d'ampleur. Et là, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a rajouté quelques détails, dont une case. Alors, au moment où Joe Chill débarque dans la ruelle, abat le père, Thomas Wayne, fait faire la crise cardiaque à Martha Wayne, le fils, Bruce Wayne, est par terre, et là, il y a une case où on nous dit, et là, Bruce Wayne fixe de ses yeux Joe Chill, le criminel, et l'observe avec des détails, et là, la case... On voit en premier plan une paire d'yeux et en second plan, derrière, on voit Joe Chill complètement terrorisé. À ton avis, cette case, parce que tu l'as sous les yeux, je te l'ai amené, qu'est-ce qu'exprime les yeux? Qu'est-ce qu'exprime pourquoi il est terrorisé, Joe Chill? J'ai l'impression, pour l'illustration, donc on a vraiment un tour orangé un peu autour de l'œil, le personnage Joe Chill qui est vraiment effrayé en arrière, donc on a la narration, on a l'expression. J'ai l'impression c'est la détermination de faire, c'est la soif de vengeance. Vengeance, c'est ce que je voulais entendre, car si on continue cette aventure-là, Joe Chill va échapper. Batman, là je parle de Batman, parce que là la case c'est... Bruce Wayne qui vieillit et qui observe et qui nous et qui va vieillir et qui va et un jour Batman tombe sur cette possibilité de revoir Joe Chill et là Batman va enquêter, va essayer de s'infiltrer, ça va pas marcher. Mais Batman va finir par affronter Joe Chill, l'avoir avec lui homme à homme dans une pièce et là il va enlever sa cagoule, il va lui dire je suis Bruce Wayne et tu as tué mes parents. Joe Chill va paniquer, va s'échapper, mais Joe Chill va tomber entre les mains de ses comparses, de ses complices, qui, eux, vont dire, mais t'as parlé à Batman, donc tu nous as dénoncé, et ils vont l'abattre. Et Batman n'intervient pas. Et c'est pas fréquent parce qu'il tuait pas Batman. Voilà, Batman, et là, a commencé dans ma tête avec une théorie, c'est-à-dire, est-ce que Bruce Wayne et Batman ne seraient pas deux personnes différentes? Alors, tout ça pour dire que, à ce moment-là, la détermination de Bruce Wayne serait la vengeance, et que Batman, lui, le héros incorruptible, le héros avec une morale, avec un code ici, viendrait être court-circuité par Bruce Wayne. Un autre moment. À un moment donné, Batman a il y a un complice de toujours qu'on finit par connaître, c'est Robin. Robin est en fait un jeune adolescent que Bruce Wayne, millionnaire, décide d'adopter pour aider. Il va dans un orphelinat et adopte un jeune garçon pour l'aider. Et évidemment, il a jeté son dévolu sur un orphelin qui a perdu ses parents de façon tragique, qui a perdu ses parents parce que, et ça, dès le premier, Dick Grayson, le premier Robin, faisait partie d'un cirque, ses parents sont tombés d'un trapèze, sont morts, et on découvre que c'était un complot qui a fait en sorte que un criminel était derrière tout ça. Et Dick Grayson, le jeune garçon, va être embarqué, entraîné par Batman à devenir Robin, à devenir un guerrier, à devenir un sidekick avec les mêmes codes, la même morale. Mais évidemment, ils vieillissent et finissent par devenir presque autonomes. Dans le premier cas, Dick Grayson, jeune adulte, va se rebeller et partir faire le super-héros dans une autre ville. Un deuxième Robin, même situation, Bruce Wayne va adopter un jeune garçon et va en faire, et là encore une fois, un jeune garçon qui a perdu ses parents à cause de Two-Face, Harvey Dent, qui a tué ses parents. Et ce jeune garçon-là va devenir un peu instable, un peu violent, et Bruce Wayne, en fait, ce qui est fascinant, c'est que Batman, qui n'arrive pas à le contrôler, c'est Bruce Wayne qui va lui dire, à partir de maintenant, tu ne fais plus le Robin, pendant un temps, tu vas te calmer. Et c'est Bruce Wayne qui fait ça. Mais le jeune Jason Todd, lui va enquêter et découvre que sa mère n'est pas morte. Il va essayer de rejoindre sa mère. Il va retrouver sa mère. Mais sa mère était une scientifique qui est manipulée par le Joker. Et va finir par... Jason Todd va finir par trouver sa mère, mais va tomber entre les mains du Joker. Et à ce moment-là, le Joker, voyant Robin, parce qu'il découvre que c'est Robin, et il va tuer Jason Todd. Et Batman va arriver trop tard. D'ailleurs, petite anecdote, le numéro où l'entrepôt explose et qu'on se demande si Robin a survécu, DC Comics a fait une ligne ouverte de sondage à savoir si Robin devait vivre ou pas. Et pour la première fois, alors les gens appelaient pour savoir. Et c'est les lecteurs qui ont décidé que Robin allait mourir. Donc, anecdote, et là, Batman ramasse le corps et tout ça, et il part en chasse du Joker. Et encore là, il déjoue un complot du Joker, et encore là, le Batman, à la toute fin, à l'affrontement, quand il retrouve le Joker est en danger de mort, dans un hélicoptère, il s'écrase, et Batman ne fait rien. Donc, pour venger, un peu comme avec... Voilà. Alors, la réflexion vient comme... Le Joker, c'est sûr qu'il n'est pas mort, il va revenir et tout, mais à ce moment-là... Mm-hmm. Je disais, il fait un choix, fait le choix de laisser aller. C'est pas typique dans sa démarche. Voilà, et c'est ça. Et là, le troisième moment est un moment où Bruce Wayne... dans la vie de Bruce Wayne, il y a des problèmes. En fait, Bruce Wayne tombe en pr- presque en dépression, la fatigue. Dans sa vie, les industries Wayne ont des problèmes. Et lui commence à avoir des signes de fatigue psychique et fatigue physique. Mais il continue à être Batman. Ce qui influe sur Batman, qui continue à vouloir être Batman, qui continue à... Et là arrive un méchant. C'est-à-dire, c'est Bane. Bane est un méchant. Et là, on en a une vision du cinéma ou de la télé un peu faussée. Bane est musclé. Bane fait couler dans ses veines un produit qui s'appelle le Venom et qui donne une force presque surhumaine. Mais Bane est un grand stratège. Bane a un QI très élevé. En fait, Bane arrive à Gotham et pour prendre le contrôle, il reste dans l'ombre et il fait évader de Arkham l'asile où tous les méchants sont, il fait évader tous les méchants et observe Batman essayer de les capturer pour étudier sa façon. Alors, toute cette série-là, Bane observe et Batman sombre tranquillement dans la fatigue, dans la dépression. Et là, à mesure qu'on lit, et là, moi, ce qui était fascinant à la relecture, c'était d'observer comment on voyait presque pas Bruce Wayne. Mais on le sait que... Mais on voit Batman avec... Et quand les dessinateurs, à l'époque, dans les années 80, on voit qu'on commence à dessiner Batman avec une barbe de 3 jours. Il prend pas de pause. Voilà, il prend pas de pause et tout. Et là, on voit un Batman qui fait comme si... qui est en train de renier un peu, de nier ce que Bruce Wayne est et ce qu'il est en train de vivre pour essayer d'être Batman. Et ça ne marche pas. Car Bane va finir par le briser. Et casser le dos, littéralement. Et voilà, c'est toute l'aventure. Et le briser mentalement et physiquement. Et mentalement et physiquement. Donc, tu vois ici, encore une fois, une dichotomie entre ce qui est Bruce Wayne et Batman. Un des derniers, le quatrième moment, c'est dans Justice League. Là, c'est Grant Morrison a écrit des aventures de la Justice League. La Justice League est un regroupement de super-héros avec Batman, Superman, Wonder Woman, Green Arrow, Green Lantern et d'autres, Aquaman. Donc cette Justice League se regroupe, ces héros, avec une morale, avec un code et tous la même morale, le même code à peu près. Ça. Alors un jour, la Justice League, soudainement, un méchant dans l'ombre, la série s'appelle La Tour de Babel, un méchant dans l'ombre, se met à s'attaquer à la Justice League et fait tomber un à un les héros avec leurs points faibles. Un à un. Superman avec la kryptonite. En tout cas, bref, chacun tombe avec son point faible. Et là, vraiment, on frise la catastrophe de perdre la Justice League. Bon, finalement, on s'en sort et on finit par découvrir que Ra's al Ghul, qui était le méchant derrière tout ça, avait piraté l'ordinateur de Batman et avait découvert des dossiers sur chacun des membres, leur point faible. C'est à cause de Batman. Et là, si on pousse la réflexion, Batman, si c'est ce héros incorruptible avec cette morale, avec cette cette facilité à vouloir collaborer avec d'autres héros mais pourquoi avoir tenu des dossiers sur les autres? Alors, suspicion ne vient pas de Batman. La suspicion vient plutôt du côté humain de Bruce Wayne, qui explique, écoutez, vous êtes tous des super humains, et moi, je suis qu'un humain. Alors, si jamais on perd le contrôle sur vous, on vous manipule, comment on fait pour... Et là, il explique, mais pendant un temps, ça a créé un froid entre les membres. Et c'est pour ça que je te dis que là, cet aspect-là. Et c'est ce que j'aime bien retrouver de Batman, dans la série Batman, c'est d'y voir que tous ces héros-là, et là, je parle en majorité de tous les comics que j'aime et tous les super-héros que j'aime, c'est de voir ce côté-là humain. même s'ils ont des super pouvoirs, c'est quand même des personnes avec pas des faiblesses, je te dirais, mais avec des limites. Quelle est la limite que se donne un héros comme Batman quand il sait que derrière son masque, quand il porte la cagoule de Batman, ben il a une limite humaine qui est Bruce Wayne. Mm-hmm. Lequel des deux va franchir cette limite-là? Et dans le contexte des super-héros, au côté, ben, tu mentionnais, c'est toute la gamme DC, c'est des super-humains, c'est presque des dieux, il y a des déesses là-dedans. Ben oui, Donc, c'est l'humain des super-héros, et c'est celui qui permet d'explorer les différentes facettes de ce qui fait qu'on est humain. Le côté sombre, les émotions négatives, le côté positif, et ce qui fait, dans le fond, dans mi-côte à côte, la richesse de notre psyché, au bout du compte. Ben, tout à fait. Dans tout l'univers de Batman, je crois sincèrement que ce qui s'est rapproché le plus d'une synthèse de ce qu'est le héros, je pense que c'est Christopher Nolan qui, dans sa trilogie au cinéma de Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises, c'est lui qui a été cherché et qui a exprimé le mieux l'aspect dichotomie, l'aspect justement humain et héros de Batman et Bruce Wayne. C'est lui qui l'a vraiment défini, je pense. Avec cet aspect-là où Bruce Wayne doit constamment s'effacer, mais en même temps jongler avec ces limites-là que Batman ne peut pas se permettre. Il a un code, il a une morale, il l'explique au Joker à un moment donné, mais quand Bruce Wayne, l'amour de sa vie est en danger et que Batman doit intervenir, il n'a pas à intervenir, mais il le fait. Il y a tout ça, et ça, c'est toujours un choc entre les deux, et c'est ça qui est intéressant dans nos super-héros. Et à garder en tête, peut-être, quand on replonge dans l'univers du personnage, que ce soit des moments emblématiques, que ce soit dans les hors-séries qu'on a mentionnées, tu m'as apporté aujourd'hui un cahier de la BD sur Batman aussi. C'est une belle occasion d'aller voir un peu, de revenir dans l'histoire de super-héros, là. Tout à fait. Les cahiers de la BD ont fait un spécial Batman que je recommande. Alors, ben voilà. Voilà, donc une belle invitation. En fait, ça, tu me donnes envie de replonger dans mes carnets Batman aussi, au-delà du cinéma, vers ces comics-là. Marco Duchesne, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et nous, on se voit dans deux semaines, puisque ce sera le retour du club de lecture également. Ce sera ta sélection. Encore. Oh là là. Donc, à très bientôt. Alors, Marco Duchesne, donc libraire chez Pantoute, qui était de passage avec nous pour cette première carte blanche. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on va parler de l'œuvre de Gaboury avec Michel Giguère. On aura également Mélanie Leclerc qui sera avec nous pour parler de sa bande dessinée Contact. Alors voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Merci d'avoir été à l'écoute et passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.